J'espère qu'il y a quelques personnes parmi vous qui ont le calendrier devant eux des activités du mois de mai, parce qu'il y a quelques rectifications à faire dessus. Alors, veuillez prendre note que les deux samedis où il y a inscrit relâche dans la case à droite, pour le 11 et le 18, en fait, on ne relâchera pas, parce que on va profiter de ces deux journées où il n'y avait pas de programmation de conférence pour. C'est Daniel qui nous a proposé ça. Justement, Daniel Kemp, il y a été question il y a quelques mois. On vous a demandé d'envoyer vos questions personnelles en ce qui concerne certaines situations de vie que vous n'arriviez pas à comprendre ou des clés que vous recherchiez, etc., de les envoyer ici au centre d'universalité. Alors, on a compilé tout ça et il en est sorti qu'il y avait deux thèmes qui revenaient très souvent. C'était les clés de la réussite. C'est quoi réussir? Comment on réussit? Pourquoi on ne réussit pas? Et l'autre question, c'était certainement tout ce qui concernait les mécanismes de la souffrance. Alors, on a extrait donc ces deux grandes questions-là, et puis on les a proposées à Daniel, et Daniel a accepté donc de faire deux conférences, une le samedi 11 et une le samedi 18. Donc le 11, c'est les clés cachées de la réussite, et le 18, est-il vraiment nécessaire de souffrir? Alors ça, c'est en plus de ces conférences du vendredi. Là, ce sont donc deux conférences spéciales. C'est à 8 heures, bien sûr. Et ce soir, à l'achat de votre billet pour la conférence donc de demain, samedi, les clés cachées de la réussite, vous aurez donc votre première cassette, l'enregistrement de la première partie. Là, vous sera donné gratuitement avec l'achat du billet donc pour le 11 ou pour d'autres pour le 17, le rôle du dialogue, la conférence du vendredi prochain. C'est à 8 heures. Alors, ce sont des conférences qui sont orientées vers le grand public. Et on espère aussi que les gens qui ont posé ces questions-là seront là pour entendre les réponses de Daniel. Ce soir, donc, c'est une conférence sur les réalités invisibles. Alors là, en ce qui concerne ce titre-là, on a bien ri tout à l'heure parce que ça fait partie de temps à autre dans la programmation. On impose un sujet aux conférenciers. Et ça, c'est un sujet qui a été imposé par Maître Mario Gosselin, qui était imposé à Daniel. Et en fait, les réalités invisibles, Daniel ne fait que traiter de cela depuis au moins 50 conférences. Il traite toujours des réalités invisibles. Alors, je ne sais pas s'il va trouver matière ce soir à apporter du nouveau dans ce domaine très vaste et très ambigu. Mais on attend son tour de force de ce soir avec impatience, Mario et moi. Alors, autre chose, il y aura justement Mario Gosselin, qui sera à votre disposition à la pause, tout à l'heure après la première partie, pour vous donner des informations sur les ateliers PMC, session d'alchimie, les cours de Gematria et les autres séminaires, toutes ces choses-là, vous verrez Mario Gosselin à la pause. Pour les cassettes, à la première et à la deuxième partie, les cassettes se trouvent à votre droite dans la petite salle des cassettes et des billets. Bon, je pense que c'est tout là pour ce soir. Il me reste simplement à vous annoncer que ce sera Guy Camiret qui va faire l'interview de Daniel Kemp et d'accueillir maintenant, selon la formule consacrée, comme il se doit, Daniel Kemp et Guy Camiret. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Guy. Bonsoir à vous tous, puis bienvenue avec nous autres pour une autre soirée de rencontre avec Daniel Kemp, dont le titre ce soir, comme disait François, c'est les réalités invisibles. C'est vrai qu'on a parlé quelque chose, mais je suis sûr qu'on va avoir de nouveaux stocks à soir. Les réalités, Daniel, invisibles, est-ce que toutes les réalités invisibles ont comme mandat un jour de devenir visibles, premièrement? Bon, disons que premièrement, j'aimerais ça. C'est évident que les réalités invisibles, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses, il y a des choses qui existent que l'homme ne connaît pas, qui sont invisibles à l'homme. Et la question que tu poses, c'est une question qui se répond par elle-même, étant donné qu'on ne pourrait même pas parler d'une réalité invisible si à un moment donné, l'invisible, la réalité, peut pas faire autrement que devenir visible. Sinon, comment ça se fait que certains peuvent en parler? Et pourquoi en parler si jamais le monde va pouvoir y toucher? Ça ne servirait absolument à rien. La grosse question, c'est pourquoi y a-t-il des réalités invisibles? C'est-à-dire que

Donc, on doit développer cette perception des mondes invisibles, mais on doit se foutre royalement de ce que nous percevons. Et ça, c'est très important. On aura des questions là-dessus. OK, merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces explications. Je vous rappelle que cette cassette est disponible à la sortie avec l'achat du billet de la semaine prochaine. Si vous voulez écrire vos questions, lisiblement, on va prendre une pause d'une vingtaine de minutes puis les laisser ici.